Mais qu'est-ce tu veux que je dise à ma fille quand elle sera grande? Désolé papa était under 30, merde à la vernie, loin d'être verni. Moi j'ai fait des tubes mais je rappe comme c'est pas permis. Mon arène est sur scène, il s'adresse à tout le monde. Je suis né à Marseille, j'aurais pu naître à Vitry-sur-Seine. J'ai rien d'un génie, c'est l'amour de la musique, l'amour de la ruselle que beaucoup de gens dénigrent. On a fait ça par passion, on a fait ça aussi pour le fric, c'est vrai. On dit à reprendre ce qu'on nous a pris en Afrique. Parcours aléatoire, destin préécrit, la rue m'a contaminé. Je suis un rat de laboratoire, moi. J'ai fait le tour du monde, ça m'a ouvert l'esprit. Bizarre comme trois notes de musique peuvent changer une vie. J'ai chanté l'espoir, j'ai chanté l'amour, mais ils veulent la guerre. Un calife, c'est devenu glamour. Depuis la capitale, ils entendent des rafales de calage, des nerfs pleurent, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils vendent de la haine, de la violence payante. Et ils s'étonnent que les petits frères pressent des détentes. De l'underground, j'ai gardé l'esprit, mais le rap, c'est pas ma religion, frère, c'est que du Nesby. Soit tu fais des sous, soit tu t'arrêtes au succès. Y a pas de prison dans mon CV, des vérités dans mon CD. J'aurais pu te parler d'armes et de coques pour vendre plus de CD. J'aurais pu te parler de pute et de fric, moi. Je suis fidèle à mon éthique, moi. Pour ce côté de la street, j'ai jamais plaidé. Petit, je viens pas t'inciter. Haram et Aliyah, trop de mes frères sont déjà décédés. La foi m'a guidé, dans la zig, je me suis vidé. Loin de moi l'envie de trahir mes idées. À l'époque, je m'inquiétais, j'avais pas de lové. Seul dans ma cave, les maisons disent me snobber. J'avais besoin de cash, je cherchais le plan B. J'ai fait de la musique et je vois les potes tous tomber. Je me suis rendu crazy à écrire de la qualité. Ne comparez pas aux autres, ils font que de la quantité. Je veux tout nier, vous avez pas idée. Je suis Johnny de mon bled, je suis Johnny Hallyday. On m'a tellement rabaissé, yema. Un jour je lâcherai la zik, rien à foutre de cette dounia. Au fond de moi, j'ai jamais été heureux. Même avec les euros, je rêve de mourir miséreux. Même avec les euros, je rêve de mourir miséreux. L'Alger. J'écris pas pour inciter la jeunesse à faire du mal. Je fais pas fantasmer les petits à te parler de drogue, de prison, à te parler d'armes. À Marseille, c'est le chaos. J'ai perdu des amis, des frères, j'ai vu trop de mères en larmes. Fuck tous ces rappeurs qui font l'apologie du crime, de leur calache à deux balles. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Eh oui, l'Alger, c'est pas des hommes. Pour moi, les hommes, c'est ceux qui se lèvent le matin pour aller travailler, charbonner. Pour nourrir leurs enfants et assumer leur famille. Le haram, ça ne paye pas. La hagra, ça se paye tôt ou tard. Alors, réveillez-vous les frères, réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard.